France Culture avec Philosophie Géraldine Mühlmann. Nous réfléchissons cette semaine à l'œuvre de Karl Marx en revenant au texte, par-delà les marxismes divers. Ce matin, troisième épisode, que reste-t-il du livre de Marx, Le Capital ? Le Capital, tout le monde en connaît le titre, peu l'ont lu de près. Et il faut dire que le philosophe Karl Marx, pour l'écrire, est devenu un véritable économiste dont certains développements sont âpres. Est-ce que le capitalisme, depuis cette époque, a réussi à résister à certaines des lois que Marx avait repérées en lui et qui devaient, selon lui, le conduire vers sa perte ? Théorie de la plus-value, mais encore baisse tendancielle du taux de profit, est-ce que tout cela reste encore valable aujourd'hui ? Nous posons ces questions ce matin. Nous évoquerons aussi le phénomène de la fétichisation, non seulement des marchandises, mais de l'argent même qui les achète, dont parle Marx, car le capitalisme financier désormais semble avoir montré à quel point, en effet, la monnaie est devenue elle-même une marchandise. Ce livre, Le Capital, mérite donc une attention soigneuse par-delà sa destinée. Marx l'a nommé ainsi dans son édition de 1867. Auparavant, son projet s'appelait « Contribution à la critique de l'économie politique », dont un premier morceau évoquant la marchandise et la monnaie avait été publié en 1859. Puis Marx a voulu ajouter une troisième partie sur le capital et ce développement fut si décisif que le capital devint le titre du livre entier. Plus tard, après sa mort, Friedrich Engels, son ami, publia le reste des manuscrits de Marx relatifs à ce livre, d'où les trois volumes désormais du Capital. Bonjour Mireille Burrière. Bonjour. Vous êtes économiste et vous nous direz ce que vous retenez, vous, du livre de Marx, Le Capital. Je précise que vous êtes maîtresse de conférences à l'université de Toulouse Jean Jaurès et que vous avez notamment publié aux éditions du Bord de l'eau un livre intitulé « L'insoutenable productivité du travail ». Bonjour Ulysse Lechkine. Bonjour. Vous aussi, vous êtes économiste, auteur d'une thèse soutenue il y a quelques semaines, quelques mois, intitulée « Définir l'exploitation ». Et vous avez préfacé et traduit aux éditions sociales un essai sur l'économie de Marx de Joan Robinson. Vous aussi, vous nous éclairerez sur les enjeux du capital pour nous, lecteurs d'aujourd'hui. Enfin, bonjour Isabelle Garraud. Bonjour, chère Antoine. Vous étiez déjà avec nous pour l'épisode précédent de cette série sur Marx. Merci d'être revenu. Vous êtes philosophe et spécialiste de Marx. Le 24 avril 2013, le plus grand accident dans l'industrie du textile. Le Rana Plaza, une usine surpeuplée, s'effondre. Le bilan est effroyable. 1138 morts et 2800 blessés. Le monde prend alors conscience des conditions de travail désastreuses des employés du secteur de l'habillement. Au Bangladesh, il existe désormais un accord international sur la santé et la sécurité dans l'industrie du textile. Mais rien n'oblige les marques à le signer. Pour autant, 200 entreprises comme ASOS, CEA et Carrefour s'engagent à respecter les droits humains et sociaux des employés bangladais. Parmi les 8 points à respecter, les usines doivent notamment être sécurisées. D'autres marques ont également pris d'autres initiatives, certes moins contraignantes et moins transparentes, mais qui ont tenté de rendre les usines plus sûres. Dans le domaine de la sécurité industrielle, beaucoup a été fait, bien plus que dans d'autres pays où les usines sont actuellement très dangereuses. Au sein de l'Union européenne, les entreprises ne pourront bientôt plus fermer les yeux sur les conditions de production à l'étranger. Le Parlement travaille actuellement sur un texte, le devoir de vigilance européen. Grâce à cette directive, les entreprises européennes pourraient être tenues responsables des violations des droits de l'homme, même si leurs productions sont délocalisées. Toute la chaîne de valeur des entreprises est concernée, les filiales, les sous-traitants et les fournisseurs. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Vous venez d'entendre un reportage d'Arte Info d'avril 2023 évoquant cet effondrement du Rana Plaza, qui était un local, une usine textile au Bangladesh. C'est atroce, ça a fait plus de 1000 morts, vous l'avez entendu. Et on se dit que là-bas, en tout cas, les travailleurs se retrouvent, comme dirait Marx, exploités pour leur force de travail, sans beaucoup de préoccupations de leur bien-être. Est-ce que c'est dans cette partie du monde, surtout et peut-être seulement, enfin vous me direz ce que vous en pensez, que l'analyse de Marx dans le Capital se trouve toujours terriblement pertinente. Qu'est-ce que vous en pensez, Ulysse Lechkine ? La pertinence de l'analyse de Marx, elle est évidente dans ce genre de cas. Et c'est vrai qu'on le voit au Bangladesh et on le voit dans de nombreux pays et dans le cas de... L'évidence, elle est due à de nombreuses raisons, notamment le fait que c'est des ouvriers, donc qui ont un type de travail, notamment dans le secteur textile, qui est déjà celui dont parlait Marx. Donc il y a une continuité qui est évidente. Cependant, et c'est vrai que quand on parle aux gens d'exploitation, moi je l'ai beaucoup fait pendant ma thèse, essayer de demander aux gens, vous, pour vous, qui est exploité aujourd'hui, etc. Les gens pensent aux ouvriers du Bangladesh, aux ouvriers chinois, très naturellement. Cependant, ça dépend des analyses de Marx, mais si on pense à la théorie la plus abstraite et la plus générale de Marx, la théorie du surtravail, la théorie de l'exploitation, en fait, on peut l'appliquer aussi bien à des travailleurs qui ont des conditions de travail et des conditions de vie bien meilleures dans les pays plus riches, comme le nôtre. Puisque pour Marx, il y a surtravail à partir du moment où un capitaliste, un employeur, s'approprie l'effort fourni par un salarié. Alors, on va y revenir à notre situation à nous. Un petit instant encore sur le Bangladesh. Mireille Bruyère, donc, vous êtes économiste. Néanmoins, n'est-ce pas dans ces pays que l'analyse de Marx, notamment sur la théorie de la plus-value et le surtravail qui en résulte, que vous nous expliquerez, j'espère, est-ce que ce n'est pas là, quand même, que, je dirais, Marx est encore le plus actuel ? Alors c'est peut-être effectivement une expression, enfin là, on voit ce phénomène de manière criante quand on est dans ces pays, mais il faut avoir en tête que le capitalisme que nous connaissons actuellement est un capitalisme mondialisé où les différents modes d'exploitation, il y a toujours exploitation au sens de Marx, hein, c'est-à-dire extraction d'une plus-value du travail, que ce soit le travail qui est déployé ici en France par les salariés français ou les travailleurs au Bangladesh. Et ce qui se passe, c'est que le capitalisme a construit une sorte de complémentarité entre ces différentes formes d'exploitation. Oui. C'est-à-dire que c'est pas, il faut pas voir la mondialisation comme si ici on avait baissé finalement l'exploitation. Bon voilà, on serait sorti d'une exploitation primitive, très violente, etc. Et on aurait déplacé cette exploitation dans les pays, effectivement, qui sont... C'est-à-dire, l'objection première, je n'ai pas du tout dit que votre analyse n'était pas fondée, mais l'objection naturelle qui vient, c'est de dire que dans pas mal de pays capitalistes, pas tous, hein, mais en France, par exemple, nous avons un salaire minimum. Depuis la fin du 19e siècle, il y a eu des luttes pour obtenir des droits sociaux, notamment sur les conditions de travail, et ça a commencé par une loi célèbre de la fin du 19e siècle sur les accidents du travail, puisque là, on parle quand même d'accidents du travail, là, dans l'affaire du Rana Plaza. Est-ce que malgré tout, l'honnêteté intellectuelle ne nous oblige pas à distinguer la situation d'ouvriers du textile au Bangladesh de la situation de différents travailleurs français ? Alors, évidemment, c'est pas la même situation si on prend l'ensemble de l'expérience qui est l'expérience du travail d'un travailleur au Bangladesh et ici. C'est pas la même expérience. Mais si on parle de la théorie de la plus-value, qui est une théorie économique, cette théorie existe autant en France qu'au Bangladesh. C'est-à-dire le fait, effectivement, que la valeur produite par le travailleur, une partie, est extorquée par celui qui détient les moyens de production. Cette théorie est vraie en France comme au Bangladesh. Alors, on va l'expliquer, cette théorie, parce qu'elle n'est pas si simple. Alors, je vais demander à la spécialiste vraiment du texte, philosophe Isabelle Garraud, peut-être dans les termes les plus simples possibles, de nous dire ce que signifie, ou ce qu'est la théorie de la plus-value selon Marx. Alors, selon Marx, et c'est sa grande découverte, la théorie de la plus-value, c'est vraiment la découverte de ce qui est le secret de la production. Pour lui, cette plus-value, elle est difficile à repérer parce que elle se situe au niveau justement de la mise en œuvre de ce qu'il appelle la force de travail. C'est un terme qui apparaît aussi dans le Capital. Cette force de travail, donc, c'est la capacité de travail du travailleur, du salarié, et elle est achetée, ou plus exactement louée pour une partie du temps par l'intermédiaire d'un contrat de travail. Et donc, il n'y a pas vol. C'est important de le préciser parce que l'employeur ne vole pas le salarié. Simplement, on est dans le cadre du capitalisme, dans le cadre d'un processus historique qui a dépossédé les travailleurs des moyens de production. Donc la seule chose que puisse vendre le travailleur, puisqu'il faut sur un marché, forcément, pour être rémunéré, vendre quelque chose, c'est sa force de travail. Alors l'analyse de la plus-value est la suivante, si on résume et qu'on essaye de faire très simple, c'est que pour Marx, toutes les marchandises se vendent, s'échangent à leur valeur. La valeur d'une marchandise correspond au coût de production nécessaire à sa production. D'accord. La force de travail, comme les autres marchandises, est produite à travers un certain nombre de coûts qui permettent sa formation. Il faut éduquer les gens, il faut les nourrir, il faut les élever, etc. Et cette marchandise a par contre une particularité qu'aucune autre ne présente. C'est quand on achète cette marchandise-là, elle est capable de produire plus de valeur qu'elle n'en comporte. C'est-à-dire que mettre au travail un salarié qui vend donc cette force de travail à son coût à travers le salaire, va permettre à l'employeur de récupérer, donc de façon légale, et on pourrait presque dire légitime, en tout cas selon le droit bourgeois, de récupérer ce qui est le produit de cette activité. Et ce produit est plus important que la valeur même de cette force de travail. Alors cette différence va constituer ce que Marx appelle la plus-value, va se répartir en profit privé d'un côté, et va se répartir en investissement et en réinvestissement. J'ai quelques questions. À supposer que l'on rémunérera mieux à l'époque et aujourd'hui encore les travailleurs, puisqu'on peut, semble-t-il, évaluer, dire la valeur du travail qu'ils fournissent. Donc si on les rémunérait, je sais bien que l'expression n'est pas plaisante chez Marx, mais elle est pédagogique, elle permet de comprendre à leur juste valeur hein, par rapport à ce qu'ils ont donné, qu'est-ce qui se passerait? Les capitalistes ne parviendraient pas, les employeurs ne parviendraient pas à dégager assez de profits et le système s'effondrerait? Autrement dit, est-ce que Marx nous dit, si on ne ponctionnait pas sur le salarié du travail, sans le rémunérer correctement, si on n'appliquait pas cette théorie de la plus-value, le système ne marcherait pas? Oui, le système ne marcherait pas. Cette idée d'un juste salaire, alors elle remonte peut-être à l'idée de juste prix, d'une conception médiévale de l'économie comme quelque chose de statique, de vase communicant avec à l'arrivée un résultat à somme nulle. Or, le capitalisme, c'est une dynamique. Et c'est une dynamique qui s'effondre si elle ne continue pas l'accumulation du capital et donc l'accumulation de la plus-value elle-même. Ou pour Marx, ce processus-là, il est vraiment au cœur de ce système. Il ne s'agit pas de rémunérer mieux, il s'agit vraiment, pour les capitalistes, en exploitant le travail, de constituer ce capital, qui est une des formes prises par la plus-value, on va en parler tout à l'heure, une forme éventuellement monétaire prise par la plus-value, et cette accumulation est absolument nécessaire au fonctionnement du système lui-même. Donc l'exploitation est au cœur, l'exploitation donc, du travail. Si on ne le faisait pas, ça ne marcherait pas. Si on ne le faisait pas, ça ne marcherait pas. Le système s'effondrerait. Voilà. Est-ce que c'est cela, Mireille Bruyère, puisque vous avez d'emblée introduit cette importante théorie en disant qu'elle valait toujours, est-ce que c'est cela qui est toujours juste? C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, partout, et pas seulement au Bangladesh, on ne rémunère jamais les salariés au niveau de la valeur qu'ils produisent par leur force de travail. Et est-ce que vous êtes d'accord aussi avec l'implication? Si on ne le faisait pas, le système économique ne pourrait pas fonctionner. Est-ce que c'est ce que vous dites aujourd'hui pour partout le capitalisme dans le monde entier? Oui, effectivement. En tout cas, si on s'entend sur l'idée que le capitalisme, c'est un système qui produit de la plus-value pour qu'elle puisse être accumulée, je préciserai après ce que ça veut dire l'accumulation, effectivement, on ne serait plus dans le capitalisme. Hein. Donc, pourquoi? Il ne pourrait pas marcher en rémunérant mieux les salariés? Alors, je vais directement. Effectivement, si on définit le capitalisme comme une institution qui met au cœur de son fonctionnement le rapport de production, mm-hmm. le mode de production. Bon, il y a plusieurs termes théoriques. Et alors, c'est pas simplement, il faut bien distinguer, c'est pas simplement le fait de rémunérer à une valeur inférieure les travailleurs par rapport à la valeur qu'ils ont produite. C'est pas simplement ça, parce qu'à la rigueur, on peut dire que dans les sociétés inégalitaires féodales, effectivement, une partie du surplus du paysan était extorquée. Alors, c'était pas non plus un vol, mais était extorquée par les seigneurs. C'est plus que ça, le capitalisme, et c'est ça la dynamique. C'est pour ça que la question dynamique est très importante dans la compréhension du capitalisme. C'est que la plus-value qui est extorquée va servir à accumuler du capital pour transformer de manière incessante le mode de production. Et pour investir aussi. Voilà. C'est bien ce que je veux dire. Pas seulement pour le mettre dans la poche d'actionnaire. Non, c'est pas simplement ça. Alors évidemment, il y a des conflits, sans cesse, des conflits historiques sur qu'est-ce qu'on fait de cette valeur ajoutée, combien on va donner effectivement à la rémunération des salariés. Et on voit d'ailleurs que dans la période d'après-guerre, il y a une transformation effectivement de la rémunération des salariés. On y reviendra peut-être plus précisément, qu'est-ce que ça fait à la théorie marxiste, tout ça. Mais en tout cas, il faut vraiment avoir en tête que l'accumulation du profit, c'est pas simplement pour rémunérer de manière inégalitaire les capitalistes. C'est parce que le cœur du projet capitaliste, c'est la transformation incessante des modes de production en vue d'une productivité, d'une plus grande maîtrise, d'une expansion, et évidemment aussi d'une expansion de la consommation. Bon. Ulysse Lochkine, c'est vrai que c'est quand même un peu difficile à comprendre. On entend sans arrêt à quel point le travail coûte cher. Pas seulement à cause du salaire, mais à cause justement de toutes ces protections qu'on a mises en place pour les travailleurs. Les luttes sociales y ont contribué, ce qui fait qu'il y a énormément de charges. Je dirais que c'est précisément ce que les salariés ont inventé, ont essayé d'acquérir depuis plus d'un siècle pour être moins exploités, pour être mieux traités. Donc, on entend sans cesse que le travail est cher, que c'est difficile pour une entreprise d'employer davantage, compte tenu de cette force de travail qui est chère. Mais vous dites, comme j'ai envie de dire vos camarades d'ici, que c'est pas vrai. Il est encore incroyablement peu cher. Et si le système fonctionne encore, c'est que en réalité, la valeur travail n'est pas rémunérée de manière correcte par rapport à tout ce qui est produit par le travail. Vous voyez bien le paradoxe. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce paradoxe ? Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'ont dit mes collègues. Je pense qu'une autre manière de réexprimer ce paradoxe, c'est de bien distinguer entre les questions absolues et les questions relatives. La théorie de l'exploitation chez Marx, c'est une théorie relative de qu'est-ce qui revient aux travailleurs comparé à ce qui revient aux capitalistes. Et ce que Marx nous dit, c'est que c'est essentiel au mode de production capitaliste qu'il y ait toujours une part qui soit approprié par les propriétaires des moyens de production. Et ça, cette théorie relative, elle s'applique de nos jours au Bangladesh, comme en France, comme aux États-Unis. Donc, il faut bien la distinguer de la considération absolue du niveau de rémunération et du niveau de vie des travailleurs. Le niveau de vie du travailleur français aujourd'hui n'a rien à voir avec celui du travailleur anglais de l'époque de Marx et d'Engels et n'a rien à voir avec celui du travailleur bangladais d'aujourd'hui. Donc, Marx a sans doute, à son époque, sous-estimé les possibilités de dynamique pour le salaire réel absolu des travailleurs et leur niveau de vie absolu. C'est-à-dire que les textes de Marx, en fait, ce n'est pas sa préoccupation principale. Et les textes de Marx sont ambigus sur ce point. Il voit qu'il y a une marge, quand il y a des luttes de travailleurs, il en parle beaucoup dans le livre 1 du Capital, il voit qu'il y a une marge d'augmentation, mais il la sous-estime sans doute. Et il est loin d'avoir anticipé cette hausse considérable des salaires réels qui a eu lieu dans les pays riches au XXe siècle, et notamment dans cette période fordiste de l'après-guerre qu'a cité Mireille. Par contre, la théorie relative, c'est-à-dire l'idée que au cœur du capitalisme, il y a ce partage de la valeur ajoutée entre, d'un côté, ce qu'il appelle la plus-value, la survaleur, qui sont les profits, les rentes, les intérêts financiers, et de l'autre côté, les salaires. Cette théorie, elle reste vraie. Et si on regarde l'évolution de ce partage dans les pays riches, il est sur très très long terme depuis l'époque de Marx, disons qu'il est plutôt stable ou il fluctue. Et si on regarde à moyen terme sur les dernières décennies dans les pays riches, le partage se déforme plutôt dans les pays riches en faveur de la survaleur. Donc il peut très bien y avoir en même temps une hausse des salaires réels et en même temps une hausse de l'exploitation. Je pense que c'est là qu'est le paradoxe. D'accord. Alors si je comprends bien, d'un point de vue fidèle à l'analyse de Marx, on ne peut pas monter plus haut les salaires, parce que si on le fait, eh bien, il y aura moins d'emplois. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que il y a aussi du chômage, qui est un problème qui a intéressé Marx, mais quand même à la marge de sa théorie. Donc, peut-être que c'est la manière dont le système se défend, je ne sais pas, hein, je pose des questions, se défend contre des poussées pour faire monter les rémunérations salariales. Et puis l'autre point sur lequel j'aimerais être éclairée, il y a une autre manière dont le système se défend quand il y a une pression sur les salaires pour qu'ils augmentent, c'est de faire bosser toujours plus. Et les salariés, même s'il y a un temps de travail légalement encadré, il y a une pression très forte. Est-ce que ce sont les deux manières, chômage et disons pression au boulot infernal, qui permettent au système de se défendre s'il y a une tension autour des salaires pour qu'ils montent? Mireille Bruyère. Alors il faut distinguer peut-être la façon dont le système a réagi dans son ensemble historiquement. On peut pas, je vais pas faire une théorie de l'avenir, mais qui tient, hein, donc, et ce que vous avez noté, c'est-à-dire les contradictions et les conflits à l'intérieur du rapport de production, qui effectivement, il y a ce conflit incessant entre les capitalistes et les travailleurs contre l'augmentation des salaires. C'est-à-dire, de tout temps, effectivement, les capitalistes se sont défendus contre l'augmentation des salaires et ont déployé, c'est ça la lutte des classes, hein, oui. Ont déployé tous les moyens pour les éviter. Pour autant, effectivement, le système a trouvé, alors par la lutte justement, des manières de réussir et effectivement à maintenir les profits, mm-hmm. Hein, et en même temps augmenter les niveaux de vie des travailleurs. Alors par rapport au chômage, ce qu'il faut constater, c'est que peut-être dans le Capital, Marx estimait que ça pouvait être un moyen effectivement de pression sur les salaires, hein, donc le fait qu'il se déploie finalement ce qu'on appelle maintenant la productivité, et donc finalement on va avoir besoin de moins d'heures de travail pour produire la même chose. Donc finalement, on peut mettre les gens au chômage. Hein. Mmh. Donc ça peut venir comme un système qui vient peser sur les salaires. Peut-être que ce qu'avait pas vu Marx, et c'est un peu sa raison avec ce qu'a dit Ulysse, c'est que le système étant en expansion, produit toujours de nouveaux besoins, et donc les chômeurs trouvent effectivement d'autres emplois. Et donc, il y a eu des périodes de chômage, mais en tout cas, sur les dernières décennies, le chômage a pu être, comment dire, régulé, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire que finalement, s'il n'y avait pas eu cette expansion de la consommation par les dépenses publiques, hein, d'ailleurs, par le niveau de vie des salariés, par ce qu'on appelle la société de consommation, effectivement, on aurait un chômage absolument abyssal, hein, on aurait un chômage énorme. Donc, il y a bien une expansion, il y a une façon de réguler le chômage. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de période, des sous-périodes dans lesquelles il y a du chômage, que ça pèse et que le chômage est un problème, hein, qu'il y a un problème politique, un problème social. Mais en tout cas, c'est pas ça qui a fait exploser le système. Alors, il y a un point très important, Isabelle Garraud, c'est que la théorie de la plus-value, bon là, on vient d'en voir les implications. L'une de ces implications que j'ai mentionnées juste avant, c'est que il y a une pression à la productivité pour que le travailleur, il donne toujours plus à salaire égal. Et aujourd'hui, c'est une préoccupation de beaucoup de salariés, l'impression qu'ils sont pressurisés pour prendre sur leur temps de loisir. Qu'est-ce que c'est? Je crois que Marx avait un mot pour parler de ça. Il appelait ça le surtravail. Qu'est-ce que c'est le surtravail dans le texte de Marx? Le surtravail, c'est justement ce qui va permettre la formation de la plus-value. Donc, c'est la partie du travail qui n'est pas rémunérée et qui ne se voit pas quand on travaille. Hein. C'est évidemment ce que masque, et la difficulté de Marx sera d'aller au-delà de ce masque, ce que masque le salaire. On ne voit pas la répartition dans le salaire entre rémunération du travail et puis non-rémunération du surtravail. Et au-delà de ça, et à partir de la question que vous avez posée et de ce qui a été dit, je crois que Marx est attentif à des moments historiques différents qui sont toujours caractéristiques caractérisés, Mireille Bruyère vient de le dire, par des luttes de classe qui sont toujours spécifiques, qui sont toujours concrètes. Et la période qu'on a appelée fordiste ou keynésienne est le produit, alors on a parlé parfois de compromis de classe, en tout cas d'une forme de redistribution qui va passer aussi par la mise en place des services publics. Et aujourd'hui, la destruction de ces services publics, c'est une véritable poursuite aussi de ce processus de dépossession des travailleurs, donc de destruction de ce qui a été acquis de haute lutte, c'est vraiment le cas de le dire, qui accroît cette pression sur le travail et donc sur les salariés eux-mêmes. Et cette pression va aboutir à des formes de précarité beaucoup plus importantes, à une baisse ou à un blocage des salaires, et globalement donc à une redistribution des richesses qui, comme Ulysse Lochkine l'a précisé, va bénéficier aux détenteurs de capitaux. Donc le capital, l'ouvrage Le Capital, qui est souvent vu comme un ouvrage descriptif, est en réalité un livre politique et un livre qui traite aussi des luttes de classe. Ces luttes de classe permettent de comprendre comment le curseur se déplace entre ces deux, pour simplifier les choses, entre ces deux grands camps sociaux, et explique pourquoi à un moment donné cet écrasement des salariés va de pair avec aussi donc la diminution, c'est un autre problème, et la diminution du temps libre. Et dans Le Capital, on a une vraie attention à ce qu'est l'individu, le développement de l'individu et le rapport entre le temps de travail et le temps libre. Hein, Marx considérant, alors ça c'est peu connu, que le temps libre c'est le vrai champ du développement individuel et que dans une société bien faite, ce temps libre devrait être non seulement protégé mais étendu. Donc ce temps libre est parfois mangé. C'est une des réflexions que faisait Laurent Berger à propos de ce qu'on appelle le blurring, le fait que ce soit de plus en plus flou, la frontière entre temps libre et temps de travail. Il faisait cette réflexion sur France Inter le 25 septembre 2016. Nous voulons des accords collectifs sur le droit à la déconnexion qui prévoira ici ou là, pourquoi pas, le fait que le serveur soit bloqué. À d'autres moments, l'interdiction d'envoi de mail. À d'autres moments, la non-obligation de répondre, parce que vous savez bien que... Vous y croyez vraiment, dans les PME, par exemple, vous y croyez sérieusement ? Mais bien sûr, j'y crois, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un sur... Enfin, on compte beaucoup de salariés qui disent « Mais moi, le week-end, je suis pas tranquille. » Parce que quand un directeur envoie, ou un cadre supérieur envoie un mail à un de ses collaborateurs en disant « Voilà, il y a ça », il dit pas forcément que c'est urgent. Enfin, il y a quand même une pression implicite qui s'exerce. Et moi, je crois au fait qu'on régule la technologie, parce que de toute façon, elle est là. Vous venez donc d'entendre Laurent Berger, ancien secrétaire général de la CFDT. Vous êtes d'accord, Mireille Bruyère, les formes actuelles d'épuisement au travail, d'impression que le travail entre partout, y compris dans le temps libre, ça s'analyse sérieusement avec des concepts issus du Capital de Marx, ou est-ce que c'est un petit peu plus complexe ? Alors oui, mais alors justement peut-être il faudrait distinguer dans Marx, et puis peut-être dans l'exemple que vous avez pris, entre le concept d'exploitation, qui est, je le redis, un concept économique, donc oui. qui se voit pas directement, et tout ce qui permet l'exploitation, c'est-à-dire l'aliénation et surtout la rationalisation du travail. L'expérience concrète effectivement du travail actuellement, qui est majoritairement les salariés en France, on travaille dans les services, et donc il y a une transformation de la façon d'extraire cette plus-value avec un management plus agressif, avec une numérisation aussi des modes de travail qui conduit à un contrôle plus pressant. Hein. Et donc c'est ça, cette expérience qui conduit effectivement à ne plus avoir de frontières entre les moments du travail et les moments du loisir. Alors nous parlons du Capital de Marx, et oui, nous sommes revenus au texte dans le cadre d'une série cette semaine qui retourne vers l'œuvre de Karl Marx par-delà les marxismes divers, qu'on décrira demain dans le quatrième épisode, mais nous essayons vraiment d'aller vers le texte même, savoir ce qu'il y avait dedans. Et en ce qui concerne cette discussion de ce matin sur le capital, je suis en compagnie de deux économistes, Ulysse Lochkine et Mireille Bruyère, et de la philosophe Isabelle Garraud. Alors, il y a tout un tas de mécanismes que décrit Marx aussi dans le Capital qui font que on ne voit pas forcément le processus de production dans les souffrances qu'il peut générer. Il y a comme un voile, il y a un certain nombre d'illusions. Et c'est ce qu'il appelle notamment la séduction du consommateur pour les marchandises, qui lui cache un peu les conditions dans lesquelles ces marchandises ont été produites. C'est le fétichisme de la marchandise. Je vous propose d'écouter, lu par Carlin Michel, un extrait du Capital sur cette question. À première vue, Une marchandise semble une chose tout ordinaire qui se comprend d'elle-même. On constate en l'analysant que c'est une chose extrêmement embrouillée, pleine de subtilités métaphysiques et de lubies théologiques. Tant qu'elle est valeur d'usage, elle ne comporte rien de mystérieux. Soit que je la considère du point de vue des propriétés par où elle satisfait des besoins humains, ou du point de vue du travail humain qui la produit et lui confère ainsi ses propriétés. Il tombe sous le sens que l'homme modifie par son activité les formes des matières naturelles d'une façon qui lui est utile. La forme du bois, par exemple, est modifiée quand on en fait une table. La table n'en reste pas moins du bois, chose sensible ordinaire. Mais dès qu'elle entre en scène comme marchandise, elle se transforme en une chose sensible suprasensible. Elle ne tient plus seulement debout en ayant les pieds sur terre, mais elle se met sur la tête, face à toutes les autres marchandises, et sort de sa petite tête de bois toute une série de chimères qui nous surprennent plus encore que si, sans rien demander à personne, elle se mettait soudain à danser. Pour trouver une analogie à ce phénomène, nous devons nous échapper vers les zones nébuleuses du monde religieux. Dans ce monde-là, les produits du cerveau humain semblent être des figures autonomes, douées d'une vie propre, entretenant des rapports les unes avec les autres et avec les humains. Ainsi en va-t-il dans le monde marchand des produits de la main humaine. J'appelle cela le fétichisme. Fétichisme qui adhère aux produits du travail dès lors qu'ils sont produits comme marchandises et qui, partant, est inséparable de la production marchande. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Texte de Marx donc sur le fétichisme de la marchandise. Alors, il y a une chose philosophiquement que je voudrais souligner avec vous, Isabelle Garraud. On a vraiment l'impression que Marx ouvre la voie à la sociologie sur ce point, qui, notamment en matière religieuse, puisque lui-même fait un lien entre ces chimères que nous nous forgeons à propos de la marchandise, il fait un lien avec les chimères religieuses, qui pensent, lui, que la religion est pleine de chimères. Il ouvre toute la voie des sociologues qui diront « on a plein d'illusions ». Durkheim, par exemple, qui pense lui aussi que la religion est pleine d'illusions et de chimères. Mais ça ne veut pas dire que ça ne compte pour rien. Ça a des vrais soubassements dans le système social et économique, ces illusions. Autrement dit, elles opèrent socialement, elles ont un vrai soubassement et elles sont opérantes. Elles sont d'ailleurs, disait Marx, comme le dira plus tard Durkheim, c'est pour ça que j'en parle, ce sont des choses sociales, ces représentations fétiches. Ce sont de vraies choses sociales qui agissent exactement comme Durkheim dira, les représentations religieuses sont aussi des choses sociales. Oui, tout à fait. Alors Marx s'inscrit certainement dans cette tendance qui va voir naître les sciences sociales un petit peu plus tard, ou à son époque déjà. Mais il s'inscrit aussi dans la filiation de ce dont on parlait hier, à savoir la question idéologique. Ici, la question idéologique, en quelque sorte, elle s'approfondit parce que, au lieu de discuter les idées des philosophes allemands, des jeunes philosophes qu'il a côtoyés, il essaye d'analyser la façon dont les représentations se forment à même la réalité sociale. Et dans le cas des marchandises, on a des marchandises qui sont des choses qui portent sur elles des étiquettes qui sont leur prix. Et Marx montre que ce monde de la marchandise, ce monde magique de la marchandise, consiste à substituer au rapport entre les individus qui produisent les choses, qui les achètent, qui les utilisent, des rapports entre les choses elles-mêmes. On a l'impression à travers les prix que ce sont les marchandises qui entrent en relation les unes avec les autres. Et là, on va plus loin dans l'analyse idéologique, on va plus loin dans l'analyse des illusions et des représentations qui émanent de la réalité sociale. C'est-à-dire, on voit à quel point le monde de la marchandise est un monde d'apparence, ça ne veut pas dire simplement d'apparence fausse, hein, mais d'apparence qui sont le produit justement de cette réalité sociale-là, et de la manière dont l'activité des êtres humains se retourne contre eux. C'est ça qui intéresse Marx. Comment est-il possible que produisant par l'activité sociale des choses qui sont censées répondre à nos besoins sociaux, ces objets se retournent contre nous, se détachent de nous, et forment ce monde des marchandises auquel un grand nombre n'accède pas, bien évidemment. Donc on retrouve cette logique Dominique Doclas, oui, qui est présente dans tout le capital. Alors, je vais évidemment demander aux deux économistes ici présents de commenter cette idée des marchandises qui deviennent des fétiches, source de fantasmes. Et je présume que vous me direz à un moment donné le rôle de la publicité dans tout ça, quoi, qui appuie encore sur le mécanisme. Mais pour rendre tout de suite la question plus complexe, je voudrais ajouter un point important chez Marx, c'est qu'à un moment donné, la monnaie elle-même, l'argent qui permet d'acheter les marchandises, devient elle-même un fétiche. C'est-à-dire qu'elle devient une marchandise et une source de fantasme, comme si le capitalisme ne pouvait plus contrôler l'instrument même qui fixe la valeur. Et d'ailleurs, le capitalisme l'a montré, les monnaies ne cessent d'être l'objet de spéculation. On a même été obligé de sortir du système de Bretton Woods, imposant la convertibilité du dollar en or. Les monnaies flottent. C'est un vrai problème et ce n'est peut-être pas sans lien avec la question marxiste de la fétichisation dont la monnaie fait elle-même l'objet. Écoutez cette archive de 1971. Né en avril 1792, le dollar n'a connu à ce jour qu'une seule dévaluation. C'était le 31 janvier 1934. Après une crise de 5 ans, consécutive à l'effondrement de Wall Street et au fameux vendredi noir d'octobre 1929, le président Roosevelt fixait à 35 dollars l'once la valeur en or du dollar. Suite une période florissante au cours de laquelle la monnaie américaine impose au monde occidental sa suprématie. Les accords de Bretton Woods en 1944 concrétisent cette hégémonie. Le dollar, monnaie de réserve privilégiée, devient 20 ans durant le soutien d'une économie américaine en forte expansion. Mais vers les années 1960, le dollar commence à subir le contre-coup de cette suprématie. On se l'arrache sur les places financières occidentales, il sert à financer les investissements américains en Europe en particulier. Le résultat, c'est un dérèglement du système. Les dollars détenus par les banques occidentales vont d'une place financière à une autre en recherchant le gain maximum. C'est la création des eurodollars, ces capitaux flottants, qui se montent actuellement à 60 milliards de dollars. Cette situation, viable tant que la confiance dans la monnaie américaine demeure, devient vite intenable. En effet, le déficit persistant de la balance des paiements américaine, dû en partie à l'importance des dépenses militaires, et le déficit de la balance commerciale entament la confiance dans le dollar. Le stock d'or américain ne peut plus satisfaire les demandes de conversion du dollar en métal précieux. Mireille Bruyère, pensez-vous que les analyses de Marx sur le fétichisme, tant des marchandises que de la monnaie devenue marchandise et donc objet de spéculation et flottant volontiers, est-ce que c'est la partie peut-être du capital la plus incroyablement pertinente encore aujourd'hui ? Oui, certainement. Alors, en tout cas, oui, ça fait partie des plus importantes et des plus intéressantes. Et c'est vrai qu'en économie, c'est une des parties qui a été la plus reprise. Peut-être il y a d'autres parties plus critiques, par exemple sur la division du travail, qui sont moins reprises dans le champ de l'économie. Alors, vous avez projeté ça sur la période qui suit les Trente Glorieuses, où effectivement, on a une transformation du capitalisme dans une forme financière. Oui. Dans lequel effectivement les capitaux vont se transformer, il va y avoir une très grande liquidité des capitaux. Effectivement, la spéculation est une forme de fétichisation. Il ne faut pas quand même aller trop loin dans cette analyse et déconnecter complètement ce qui se passe dans le fait qu'il y ait des spéculations et qu'il y a une montée effectivement des marchés financiers avec ce qu'on a dit au début de l'émission sur l'exploitation du travail, sur l'aliénation, etc. Parce que les deux sont liés. Il y a pas une le capitalisme financier, c'est pas une déconnexion comme si tout d'un coup les choses se mettraient à flotter et qu'on pourrait revenir finalement dans un capitalisme industriel où les choses seraient plus régulées. Les deux sont liés. Hein. C'est parce que le capitalisme dans les années 70 a rencontré les premières limites de l'accumulation parce que effectivement la consommation commençait à stagner. Par exemple, il y avait aussi des contraintes géopolitiques sur l'accès à l'énergie que le capitalisme a se déployé de manière globale, mondiale, donc la mondialisation productive, oui. Et en même temps, ça s'accompagne nécessairement, c'est complémentaire, une forme très liquide du capital qui peut se déplacer rapidement, ce qu'on appelle la financiarisation. Vous êtes d'accord, Ulysse Lechkine, vous voulez ajouter quelque chose à cette analyse ? Oui, je pense que c'est très pertinent de mettre en relation la question du fétichisme qui apparaît au tout début du premier livre du Capital avec cette question de la monnaie et même de la finance. Et en fait, la théorie du fétichisme, elle apparaît à ce moment-là où il s'agit de théoriser vraiment le mécanisme élémentaire du marché, en fait. C'est-à-dire, le rapport des marchandises entre elles s'autonomise par rapport au travail et aux travailleurs. Et ensuite, Marx reproduit le même schéma pour expliquer différents niveaux de fétichisme. Donc, la monnaie s'autonomise par rapport aux marchandises. Mmh. Le capital, qui est de la monnaie qui s'accumule, s'autonomise par rapport à la monnaie. Et dans le livre 3 du Capital, donc beaucoup plus loin, Marx revient encore à cette théorie en disant que le capital financier, donc cette forme de capital sur les marchés financiers où, dont on ne sait pas dans quelle activité productive il est investi, on s'intéresse uniquement à son rendement financier, s'autonomise lui-même par rapport au capital productif. Et il y a un passage assez beau du livre 3 du Capital où Marx réutilise le terme de fétichisme qu'il avait un peu laissé entre parenthèses pour faire une théorie plus économique de la dynamique du capitalisme, et dit, en fait, le capital financier, c'est la forme la plus fétichisée, la plus fétichisante du capital, parce que face au capital financier, on a l'impression que c'est de la monnaie qui produit de la monnaie toute seule, et on oublie complètement les rapports sociaux qui sont derrière, y compris des rapports sociaux capitalistes. Alors, il y a un dernier point sur lequel je voudrais vous interroger, parce que le détail des textes est surprenant, la modernité du texte, c'est la question c'est le problème de l'impérialisme inhérent au système capitaliste. Il faut s'emparer d'autres terres. La colonisation était pensée par Marx comme un prolongement naturel du caractère prédateur, hein, faut dire les choses, pour lui, en tout cas, de la logique capitalistique. Et c'est important parce que ça renvoie au problème du rapport à l'histoire. Comment Marx voyait l'histoire de la colonisation. Aurait-il pu penser la décolonisation sans sortir du capitalisme? Je suis pas sûre qu'il aurait pu le penser. Je me pose plein de questions là-dessus. J'ai hâte de vous entendre. Écoutons d'abord un texte extrait du Capital sur ce problème. La découverte des contrées aurifères et argentifères d'Amérique, l'extermination et l'asservissement de la population indigène, son ensevelissement dans les mines, les débuts de la conquête et de la mise à sac des Indes orientales, la transformation de l'Afrique en carène commerciale pour la chasse aux peaux noires, voilà de quoi est faite l'aurore de l'ère de la production capitaliste. Ces processus idylliques sont des moments majeurs de l'accumulation initiale. Dans la foulée, suit la guerre commerciale des nations européennes, qui a la planète pour théâtre. Elle s'ouvre sur la sécession des Pays-Bas révoltés contre l'Espagne. Prend une ampleur gigantesque avec la guerre anti-jacobine de l'Angleterre et se poursuit encore de nos jours, avec les guerres de l'opium contre la Chine, etc. Les différents facteurs de l'accumulation initiale se répartissent donc principalement, dans un ordre plus ou moins chronologique, entre l'Espagne, le Portugal, la Hollande, la France et l'Angleterre. À la fin du XVIIe siècle, en Angleterre, ils sont tous rassemblés en une sorte de résumé systématique dans un système colonial, un système de la dette publique et un système moderne d'imposition et de protection douanière. Ces méthodes reposent en partie sur la violence la plus brutale. C'est le cas, par exemple, du système colonial. Mais toutes utilisent le pouvoir d'État, la violence concentrée et organisée de la société pour activer artificiellement le processus de transformation du mode de production féodal en mode de production capitaliste et pour en abréger les transitions. La violence est la coucheuse de toute vieille société grosse d'une société nouvelle. Isabelle Garraud, vous qui êtes philosophe et spécialiste de Marx, on entend dans ce texte de Marx, du Capital, que pour lui, l'impérialisme et la colonisation sont vraiment inhérents à la logique du capitalisme. Et est-ce que ça veut dire, Isabelle Garraud, que tout cela, colonisation, impérialisme, ne connaîtra une fin, ne peut connaître une fin pour Marx qu'avec la fin du capitalisme? Oui, absolument. Alors, l'importance de la colonisation, on accuse souvent Marx d'avoir sous-estimé ces questions, là on voit que ça n'est pas le cas. L'importance de la colonisation, c'est en lien avec ce que l'on disait tout à l'heure sur le fait que le capitalisme est un système dynamique et un système toujours en proie à des crises, qui sont des crises internes, qui sont le produit de ses propres contradictions internes. Cela le pousse à l'expansion, et faute de s'étendre, il s'effondre. Et la colonisation est le moyen, justement, l'un des moyens qui permet cette expansion continue, qui permet le pillage des matières premières, qui permet aussi de s'emparer d'une force de travail et d'exercer d'autres formes d'exploitation, ou de reprendre d'ailleurs, de s'accommoder de formes d'exploitation antérieures, à savoir l'esclavage, et de le rendre compatible avec le capitalisme. Donc cette logique-là, elle est très puissante, et ce qui est intéressant dans le texte qui vient d'être lu, c'est qu'on voit apparaître l'expression de dette publique. Et vous avez parlé juste avant de décolonisation, mais de ce point de vue-là, il n'y a pas décolonisation, puisque la dette est devenue aujourd'hui un des outils, une des armes même les plus puissantes pour asservir des populations, non seulement après les avoir pillées par le colonialisme classique, mais désormais en leur imposant un remboursement et puis des ajustements dits structurels, donc la destruction de tout ce qui peut exister comme esquisse de services publics dans ces pays-là. Je présume que vous parlez de la dette publique là, des pays anciennement colonisés. Enfin, il y a une objection évidente, c'est que les anciens pays colonisateurs, à la dette publique, ils en connaissent aussi un rayon. Hein. Absolument, tout à fait. Donc, ça fait l'impression que tout est quand même beaucoup plus complexe que ne le dit Marx, là. Cette complexité, je crois qu'il l'analyse, justement, on parlait de capital fictif, hein, de financiarisation, et la notion de capital fictif que Marx va développer dans le livre 3 est une notion qui inclut alors plusieurs éléments, trois en fait, la monnaie de crédit, la dette publique, les actions et les produits dérivés. Mmh. On est au cœur de l'actualité, je crois. Et cette dette, c'est aujourd'hui aussi quelque chose qui fonctionne comme un instrument de classe à l'échelle du monde. Alors Marx ne prononce pas le terme d'impérialisme, d'autres marxistes le font, entre autres Lénine. Mais cette logique-là, il l'analyse justement comme une logique globale d'un système qui est en train toujours de courir plus vite et de fuir ses propres contradictions en dévastant la planète et en dévastant les hommes. Alors, parce qu'effectivement, il y a la question de la colonisation, mais il y a aussi la question de la destruction de la nature dans le texte qu'on vient d'entendre. Et c'est important parce que souvent, on place Marx du côté de l'hyper-productivisme, indifférent à la question de la nature. C'est faux. Il y a vraiment des textes de Marx qui posent, comme on vient de l'entendre, cette question. Bon. Après quoi le capitalisme court-il ? Là, on touche un point où, pour le coup, Ulysse Lechkine, où spontanément, on a l'impression que Marx n'est plus exact aujourd'hui. Lui, il pensait qu'il courait derrière le profit parce que il affirmait qu'il y avait historiquement une tendance à la baisse du taux de profit. Alors, outre le fait que la domination capitalistique allait produire des révoltes, des luttes, des révolutions, ça, il le disait d'un côté, il pensait que le capitalisme allait s'effondrer aussi à cause de cette baisse tendancielle du taux de profit. Mais il baisse pas le taux de profit. Marx s'est trompé là-dessus. Le capitalisme se débrouille très bien. On décolonise, malgré les réserves que vient de dire Isabelle Garraud. On donne un peu plus de salaire à plein de salariés, même si la théorie de la plus-value, m'avez-vous expliqué, demeure. Et puis, les profits vont pas trop mal. Donc, malgré tout, dans le détail, Marx dit des choses justes, mais sur ce point majeur, il s'est trompé. Alors, il y a plusieurs points dans ce que vous évoquez. D'abord, sur le point le plus technique, qui est la dynamique des profits et de la rentabilité. Les marxistes après Marx ont donné beaucoup d'importance à ces quelques pages non publiées par Marx, du livre 3 du Capital, ce qui prédisent une baisse tendancielle du taux de profit. Il me semble, je suis certains interprètes comme un lecteur allemand très pointu du Capital qui s'appelle Michael Heinrich, qu'en fait Marx n'accordait pas tant d'importance à cette théorie que d'autres ont accordé après lui. Cependant, évidemment, il accordait beaucoup d'importance à la question de la dynamique à long terme du capitalisme et donc ce qu'on appelle les contradictions du capitalisme. Et c'est vrai à mon avis, peut-être certains de mes collègues ne seront pas d'accord, que ce qui domine en tout cas le Capital, il y a d'autres textes qui vont dans d'autres sens, c'est une conception relativement téléologique de la dynamique du capitalisme. C'est-à-dire qu'il va vers une fin, c'est ça que ça veut c'est-à-dire dire téléologique. C'est-à-dire qu'il va inéluctablement vers une fin et vers sa fin et vers son dépassement. Bon alors, à traiter le problème, est-ce que vous essayez de le sauver là du problème ou bien vous pensez que oui, là il s'est un peu trompé avec son approche téléologique ? Je pense qu'il s'est un peu trompé avec son approche téléologique, qui à mon avis repose pas tant sur la baisse tendancielle du taux de profit que sur une autre théorie qui est ce qu'il appelle la socialisation, la tendance inhérente du capital à se socialiser. Ça, il l'a vu. Donc, il pense que finalement, Le capitalisme va réunir de plus en plus les travailleurs, va déposséder les travailleurs de tout leur savoir-faire individuel, artisanal, personnel, et va les transformer de plus en plus en membres d'un grand organisme productif social, et qu'au bout d'un moment, cette contradiction entre le caractère privé de la propriété privée des moyens de production et le caractère social de la production va éclater. Ça va donner lieu de manière violente et non linéaire, mais que ça va donner lieu inéluctablement à une transformation en un nouveau mode de production socialiste. Et là, je pense que cette théorie prédictive téléologique ne s'est pas réalisée historiquement et n'est pas en train de se réaliser. Peut-être que c'est la philosophie de l'histoire qu'il faut laisser de côté. Que l'histoire va vers une fin, etc., chez Marx, et rappeler que l'histoire s'invente, se réinvente. Peut-être que c'est ce point qui est le plus faible chez Marx. C'est ce que vous pensez aussi, vous, économiste Mireille Bruyère, quand on voit que les profits se portent bien, contrairement à la théorie de la baisse tendancielle du taux de profit qui était celle de Marx? Oui, je pense qu'il faut peut-être dans le Capital, il y a une forme d'oscillation entre une volonté de Marx de décrire en fait un phénomène social qu'il a sous les yeux, le capitalisme dont on a essayé de discuter là, et puis aussi de produire une théorie de la révolution. Je pense quand même il faut lire aussi Marx parce que sa volonté c'était quand même d'écrire quelque chose qui agisse. Et écrire quelque chose qui agit, c'est aussi donner de l'espoir. Et donc, effectivement, il a tenté, et peut-être c'est là où ça devient fragile, hein, il a tenté de théoriser une théorie de la révolution. Et cette théorie de la révolution, c'était de produire, d'essayer de d'éclairer les causes dernières qui nous permettraient d'avoir la dernière révolution. C'est une période de révolution, le 19e siècle. Il y en a eu plusieurs qui ont échoué, etc. Et donc, il tentait de produire la dernière révolution. Peut-être que là, c'est ce qui rend fragile, en tout cas, certains passages de Marx. Et par rapport à la socialisation, je termine là-dessus. Oui. Effectivement, les forces productives se sont développées, il y a une interdépendance des travailleurs, mais ça ne produit pas une socialisation politique, hein, qui était la condition de la révolution. Vous allez avoir le dernier mot, Isabelle Garot, sur cette petite fragilité de Marx à propos de sa vision de l'histoire, même si plein de choses dans le détail du livre Le Capital sont encore justes. Alors, deux remarques là-dessus. La première, c'est que l'œuvre de Marx est une œuvre en progrès, une œuvre ouverte. Marx lui-même s'autocritique en permanence. Et cette vision téléologique, cette vision philosophique qu'on trouve dans des œuvres plutôt du début ou du milieu de sa vie, va être remaniée par la suite. Et on a une approche qui est beaucoup plus ouverte. Et la notion d'invention historique est au cœur, à mon avis, de sa réflexion. Vous pensez qu'en réalité, on peut répondre à cette objection point de vue de Marx? Il faudrait le faire plus précisément. Je ne le fais, je voulais venir, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Sur le deuxième point, c'est que il me semble qu'on ne peut pas faire un portrait de la planète aujourd'hui comme un portrait où les profits se portent bien et les salariés sont heureux. Non, les profits. Je crois qu'on est dans une situation absolument catastrophique, où l'ampleur des crises du capitalisme et l'ampleur de sa dévastation sur les ressources naturelles, sur les êtres humains, sur l'ensemble du monde dans lequel nous vivons, dans ses dimensions sociales, écologiques, on peut ajouter l'ensemble des dominations et des formes d'oppression, des guerres qui se multiplient, propose un tableau quand même assez apocalyptique du capitalisme sénile dans qui est la phase dans laquelle on est entré. Donc bah là, écoutez, la philosophie, c'est très intéressant. Je laisse ça en l'air en fin d'émission, mais c'est intéressant que vous finissiez sur ce tableau beaucoup moins glorieux pour le capitalisme qu'on aurait pu le croire. Get up every morning. Taking Care of Business de Bachman Turner Overdrive, c'est un titre de 1973 qui suggère que si tu es ennuyé parce que tu es salarié, eh ben regarde-moi, je suis indépendant, look at me, I'm self-employed, mais nous n'avons pas eu le temps d'en parler, c'est peut-être pas non plus la meilleure solution pour survivre dans de bonnes conditions dans le système économique actuel que d'être, disons, auto-entrepreneur. Merci à vous, Isabelle Garraud, Mireille Bruyère et Ulysse Lochkine, pour vos éclairages sur le capital de Marx. À présent, je vous propose d'écouter la chronique de Frédéric Worms, qui cette semaine réfléchit à l'actualité, à ce thème de l'actualité. Il se demande aujourd'hui comment on peut situer l'actualité dans l'histoire. C'est le pourquoi du comment. Comment situer l'actualité dans l'histoire? Lorsque Nietzsche, Friedrich Nietzsche, publia dans la dernière partie du 19e siècle son livre qu'on traduit en français sous le titre « Des considérations inactuelles », ce n'était pas dans le sens qu'on croit. Aujourd'hui, qu'on pourrait croire aujourd'hui quand on voit ce titre. Être inactuel aujourd'hui, et il a inventé ce mot et tout le monde le reprend, être inactuel, c'est s'arracher à l'événement, c'est essayer de résister à ce déferlement des actualités sur nos écrans, c'est s'arracher à ce que François Hartog appelle le présentisme, c'est prendre du recul, c'est prendre un certain recul historique, c'est prendre de la perspective. Mais pour Nietzsche, à l'époque, à la fin du 19e siècle, c'était exactement l'inverse. Car quand Nietzsche écrit les considérations inactuelles, c'est parce qu'il considère que son siècle, le siècle qui a commencé avec Hegel, les philosophies de l'histoire, et qui s'est continué avec les grands historiens allemands, son siècle est saturé d'histoire. C'est un livre contre l'histoire. En fait, l'actualité contre laquelle Nietzsche se dresse, c'est une actualité à laquelle on donne un sens absolue, qu'on fige dans une philosophie de l'histoire. C'est cette actualité ou cette réalité dont Hegel a voulu donner la clé en disant d'une phrase célèbre qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, mais justement parce qu'on a inversé le sens de l'histoire, Hegel disait « tout ce qui est réel est rationnel. Ainsi, il n'y a pas de hasard dans le monde. Si l'Europe conquiert le monde, eh bien c'est parce qu'elle effectue une virtualité historique très profonde. Elle se situe dans un sens global, dans une histoire. Le réel est replacé par le philosophe dans un sens rationnel. Et c'est cette actualité-là que Nietzsche voulait critiquer, cette saturation d'érudition d'histoire qui fait que le hasard, le présent, n'ont plus de place et que des généalogies différentes n'ont plus de sens pour les philosophies. Nietzsche est donc inactuel parce qu'il propose une autre philosophie de l'histoire qui laisse sa place aussi au hasard de la vie, de l'existence, au présent et à l'avenir. Alors du coup, aujourd'hui, c'est radicalement l'inverse, puisque aujourd'hui, d'une certaine façon, nous en sommes à une saturation d'événements, une concurrence de l'actualité où nous n'arrivons plus, au contraire de 19e siècle, à situer l'événement dans l'histoire. Comment situer l'actualité dans l'histoire? C'est un enjeu très profond, peut-être l'inverse, peut-être que aujourd'hui, être inactuel, c'est en effet résister à la pression de l'événement sans pour autant chercher à situer l'actualité dans une rationalité préétablie. Il nous faut en effet être inactuel, faire des pas de côté, convoquer des scénarios virtuels, des scénarios qu'on appelle parfois aussi contrefactuels, c'est-à-dire d'autres possibilités, des possibilités dans lesquelles le réel qui parfois nous pèse, nous oppresse ou nous opprime, des possibilités qui pourraient venir nous en libérer. Libérer plusieurs scénarios historiques, déjà résister à cette pression de cette actualité sans histoire, sans pour autant revenir à une histoire sans aucune actualité, sans aucun hasard, sans aucun événement. Il faut donc trouver cet équilibre, ce n'est pas si facile à dire, mais c'est la clé du monde contemporain. Car l'inactualité que Nietzsche a nommée est plus nécessaire que jamais pour survivre. Cette émission a été réalisée par Riad Kera avec à la technique Jérémy Kaufmann et elle a été préparée en particulier par Carla Michel. Merci aussi au reste de l'équipe d'Avec Philosophie. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité!